François Grégoire avec vous sur CKRL 89.1 et on va rester dans le domaine de l'histoire pour s'intéresser maintenant à l'histoire de la gynécologie. Et paradoxalement, cette science du corps de la femme est l'affaire des hommes. C'est le sujet de la sexologue Julie Rouleau. Bonjour Julie. Bonjour François, bonjour Valérie, bon mois de mars. Aujourd'hui, on aborde, comme tu l'as dit, un sujet qu'on prend peut-être pour acquis, hein, lié à la santé reproductive, et j'ai nommé la gynécologie, et plus particulièrement aujourd'hui, la masculinisation de la gynécologie. En cette semaine qui suit la Journée mondiale des droits des femmes, justement, cette branche de la santé a toujours été une affaire de femmes jusqu'à ce que les médecins se l'approprient au 17e siècle. Donc aujourd'hui, donc, retour sur l'histoire de la gynécologie et regard sur la perte d'un savoir féminin. Intéressant ce que tu viens de dire, Julie, mais est-ce qu'on peut remonter dans le temps et cerner le moment où on a commencé à s'intéresser à la santé sexuelle et reproductive? Ben, en fait, comme vous pourrez l'imaginer, et aussi selon les responsables du projet Clito Careers, une plateforme d'éducation sexuelle féministe visant la démocratisation des savoirs anatomiques, les connaissances liées à la santé sexuelle et reproductive sont bien antérieures à l'avènement de la gynécologie occidentale. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, on utilisait déjà le stérilet sous une autre forme, mais le principe était connu. Il faut dire, François, que des papyrus datant de presque 2000 ans avant notre ère indiquent en effet que la contraception était pratiquée, imaginez-vous donc, avec des épines d'acacia finement broyées, mélangées à des dattes, considérées dans le fond comme un spermicide, et à du miel, le tout étendu sur un tampon de fibres enduit profondément dans le vagin, rien de moins. Et en parlant des premiers pas de la gynécologie, en fait, comment est née cette discipline? Bien, d'abord, je trouve qu'il est intéressant de s'attarder à l'étymologie du terme gynécologie, qui vient du grec gyné, donc femme, et logia, savoir. Donc, la discipline en tant que spécialisation naît au 17e siècle en Europe, quand des médecins commencent à pratiquer des accouchements chez les familles royales et les bourgeoises d'abord. Ils introduisent progressivement l'anesthésie, l'utilisation de forceps et des normes là, antiseptiques qui sont bien utiles en ces temps de mars 2020. C'est au 19e siècle que les choses se gâtent. Donc, selon Charlie Lessard, qui est fondatrice du répertoire virtuel gynéco-positive, qui recense en fait les noms des praticiennes et praticiens de la santé respectueux et respectueuses de la diversité sexuelle et des choix des patientes, pour elle, l'histoire de la gynécologie est hyper trash. Okay. Donc, elle est ancrée dans l'esclavage et elle est paternaliste et sexiste. Ça pique, en fait, notre curiosité, n'est-ce pas, François? Oui, tout à fait. Madame Lessard fait notamment référence au père de la gynécologie, M. Marion Sims. Ce médecin était médecin en Caroline du Nord et on lui doit notamment l'invention des instruments d'examen comme le spéculum et un traitement pour les fistules obstétricales, là, c'est-à-dire des lésions entre le vagin et le rectum dues à un accouchement difficile. Donc, grâce au travail d'historienne féministe dans les dernières années, son statut de héros de la santé est remis en question. On sait maintenant que ce médecin menait, en fait, des expérimentations sur des esclaves noirs sans les anesthésier, ni même obtenir leur consentement. Donc, rien d'éthique ici et une histoire d'horreur, en fait. Effectivement. Donc, ces historiennes nous amènent une toute autre vision de la gynécologie. Bien, effectivement, François, je vous disais en début d'émission qu'on prenait pour acquis le concept de santé reproductive, alors que vous le verrez, c'est une des bases de la chasse aux sorcières. Donc, tu sais, François, au 19e siècle, le progrès et la science représentent rien de moins que la, en lettres majuscules, crédibilité et l'efficience. Donc, imaginez-vous donc que des campagnes de dénonciation de sages-femmes, de guérisseuses et de recettes de grand-mère sont lancées lors de vraiment vraies chasses aux sorcières. Donc, peu de temps après, les lois garantissent que seuls les médecins peuvent effectuer des actes médicaux et la plupart de ceux liés à la gynécologie et à l'obstétrique deviennent leur chasse gardée. Ben oui. Pour l'auteur et ex-médecin Martin Winkler, la même médicale est liée au fait que pendant très longtemps, les accouchements se faisaient entre femmes avec des sages-femmes. Donc, elles ont été remplacées car il y avait un désir de professionnalisation des médecins et des obstétriciens. Donc, je note ici là, qu'au Québec, la profession de sage-femme a été légalisée lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les sages-femmes adoptée le 19 juin 1999. Donc, l'Ordre des sages-femmes du Québec a débuté officiellement son mandat le 24 septembre 1999 et elles sont un peu plus de 200 au Québec. Et l'ordre compte parmi ses membres au moins un homme sage-femme. Donc, okay. Sachez-le. Mmh. Ouais. Et comment expliquer ce siècle où les femmes ont été mises à l'écart? En fait, André Rivard, historienne et chercheuse associée à la chaire Clermont-Enfant de l'Université Laval, donc une chaire spécialisée en conditions féminines, expliquait en 2018 dans la Gazette des femmes que quand la médecine s'est emparée du champ de l'obstétrique, elle a introduit son modèle patriarcal dans lequel les rapports de genre, de classe et de savoir avantageaient nettement les médecins. Ça a mené, en fait, à des changements importants qui sont encore des réalités quotidiennes en 2020. Par exemple, que la position allongée est encore la norme pour accoucher. Mm-hmm. Toujours selon Mme Rivard, qui d'ailleurs est l'auteur, entre autres, d'Histoire de l'accouchement dans un Québec moderne, elle nous dit que les choses n'ont pas tellement changé depuis 100 ans. Pour elle, c'est comme si l'enfant comptait plus que la mère, que cette dernière était en quelque sorte considérée comme porteuse, mm-hmm. Comme un réceptacle, là, pour reprendre ses mots. La violence, c'est là qu'on la trouve, là, dit-elle. Donc, il faut dire que malgré tous les progrès accomplis par la science pour la santé des femmes, il en reste pas moins que plusieurs d'entre elles font l'expérience désagréable de l'autorité des médecins ou se sentent traitées comme des objets, particulièrement pendant l'accouchement. Il y en a été d'ailleurs question, là, de cette violence dite obstétricale dans les médias au cours, là, des dernières années. Toujours selon Mme Rivard, dans ce dossier spécial là, de la Gazette des femmes, à partir du milieu du 20e siècle, s'installe un système industrialisé de la naissance. Donc, il sert l'intérêt de l'État, celui des médecins. C'était proprement dit du taylorisme, en fait, là, c'est-à-dire qu'on a appliqué la gestion scientifique du travail aux hôpitaux. Donc, un système hiérarchisé qui mise sur les outils et les contrôles minutieux du temps. Et ça a marqué la gestion du système de santé de tout en entier, là, n'est-ce pas? Mais cette analyse féministe est éclairante et fait réfléchir. Mais en 2020, est-ce que les choses ont vraiment évolué? Ben, heureusement, évidemment, il y a depuis des décennies des professionnels, dont les médecins, évidemment, là, on les diabolise pas du tout, ainsi que des groupes qui se mobilisent pour la santé des femmes. Un changement plus profond est en gestation, là, selon l'ancien médecin, là, Martin Winkler, et il nous dit que tout d'abord, des évolutions individuelles. C'est intéressant de noter qu'il y a des femmes qui n'avaient pas l'impression qu'elles étaient maltraitées. Aujourd'hui, elles réalisent qu'elles le sont, qu'elles s'étaient senties mal à l'aise, là, dans certaines situations. Donc, il est primordial aussi d'ajouter ici que dans la presse, là, j'ai regardé ça tantôt, en juillet 2019, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francaire, elle-même gynécologue, affirmait que les pratiques qualifiées de violence obstétricale et gynécologique n'ont jamais eu leur place au Québec. Donc, elle invitait, là, dans cet article à faire signe à son organisation si vous sentez, mesdames, qu'on vous manque de respect, là, chez le gynécologue. La formation des médecins a aussi évolué, là, évidemment. Les jeunes gynécologues sont de plus en plus des femmes sensibles aux enjeux de respect, d'éthique, de discrimination en fonction du genre ou de l'appartenance culturelle. Donc, cette petite histoire de la masculinisation de la gynécologie vous portera peut-être à apprécier votre relation positive avec le système de santé. On l'espère. Donc, bonne semaine à vous. Merci beaucoup, Julie, pour ces explications. Et on fait une pause et on vous revient avec la cartographie de tous les milieux humides au Canada.